niveau max pas de concurrence. Jacques Allen fait pas sa dick si ça m'attire pas l'ego qui écoute de la transe. Laisse-moi rouler, t'inquiète, j'ai le skill. Les draps trempés, la salope passe cuir. Des zombies dans la travaille, je rigmasse au bord par le monnaie. Et qui est le roi de la trille? J'suis dans le mégazord, à ton mariage, fous la merde. J'espère qu'il y a de la tise et des tifours sur le bar. Mazo, mazo, défonce pas les loges. Quoi que les flics, j'ai perdu mon horloge interne. En interne, urgent dans les starting blocks. Dans le bureau, la défense des touquets, 18, on sait. On va laisser Capri pour te frapper. T'es fou, on va te traquer. Cap, hein, j'ai senti ma cave. J'suis intercontinental et tes copines en parlent. J'lui rentre une embrouille pendant que la tasse d'Aztec est finie en courant. Regarde ceux qui t'entourent, c'est pas forcément les mieux, mais c'est les miens. Toi t'as quoi dans les mains, t'as pas quoi, toi t'es sain. Je veux ta pute et je sais sain. On les bute car on a faim.